elle est où la piscine? Dans tes cauchemars. On a build une piscine piégée, y'a du sel dans l'eau et des tourelles cachées. Les viewers regardent en PLS quand le nous plonge et se fait presse. La piscine des pièges, faut aimer l'eau et les sièges. Ride est-ce qu'il en maître, nageur, et son sifflet c'est un lanceur. J'ai mis des mines au fond du bassin et des lasers dans les coussins. Tu crois chill, mais t'es foutu. Bienvenue à Ruslan Plouf City Crew. Mais c'est l'été, on rit, on loue et on finit tous à poil sans doute. C'est une des pièges, faut aimer l'eau et les sièges. Faire ce qu'elle en maître, nageur, pas son sifflet, c'est un lanceur. J'ai mis des mines au fond du bassin et des lasers dans les coussins. Tu crois chill, mais t'es foutu. Bienvenue à Ruslan Plouf City Crew. La piscine des pièges, un lieu fun pour rageux et ça. Un stream d'été en maillot déchiré. Hoopmeur avec style ou pas du tout stylé. La piscine des pièges. Un lieu fun pour rageux et sages. Un stream d'été en maillot déchiré. Hoopmeur avec style ou pas du tout stylé.